4-5 activation. Pronunciation: le, la, les. Listen and repeat. Be sure to differentiate among the vowels of le, la, and les. Le jeune homme. La jeune fille. Les jeunes gens. Le professeur. La fac. Les profs. Le monsieur. La dame. Les dames.